bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition en français dont les grandes articulations sont les suivantes. La rivière Moura de la mairie de Bujumbura a attaqué les maisons se trouvant à ses alentours. Cela fait suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette zone dans la matinée de ce samedi. Une hausse des prix est observable dans la province de Bouanza. Les consommateurs de cette localité disent que les chenilles qui ont attaqué les champs y sont pour quelque chose. Vous aurez les détails avec notre correspondant. Le gouverneur de Cibitoke continue à accueillir les réfugiés congolais qui arrivent dans sa province. Il indique qu'une prise en charge leur est accordée et que les autorités sont à pied d'œuvre pour analyser les dossiers de demande d'asile de ces réfugiés. En international, la Somalie a enregistré 16 morts dans l'explosion d'un véhicule à Mogadiscio. Le groupe djihadiste des Shebab a déjà revendiqué l'attaque sur son compte Telegram. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal qui vous est présenté par Alida Ndaikeza et Metoussin Mitebouti assure la mise en onde. La radio de l'avenir. Bienvenue encore. Ouvrons ce journal par la page sécurité. 11 décembre 2015, 11 décembre 2016. Une année jour pour jour, trois camps militaires ont été simultanément attaqués. Il s'agit des camps Ngagara, Mujedjuru et celui de Musaga. À la suite de ces attaques, le 11 et 12 décembre 2015, des tueries ont eu lieu dans quelques zones urbaines, dont Nyakawiga et Musaga. Le porte-parole de la Force de défense nationale avait indiqué il y a une année que 87 personnes avaient été tuées, dont 4 militaires et 4 policiers. Sécurité toujours. Un homme du nom d'Eric Nilandekura a été enlevé ce samedi sur la colline Rubira de la commune Manda en province de Bouanza par des personnes qui étaient à bord d'un véhicule double cabine aux vitres teintées. La famille de Nilandekura Eric n'a pas encore eu de ses nouvelles. Trois personnes ont été arrêtées, mais Janvier Hakizimana et Asman Vigirimana ont été relâchés après avoir été battus pour qu'ils montrent les armes qu'ils détenaient. Eric Nilandekura a été emporté pour une destination inconnue. Sa famille parle d'enlèvement parce qu'elle l'a cherché dans tous les cachots sans succès. Les élus collinaires à Rubira indiquent qu'ils sont au courant de cette situation. Page politique. Les habitants de la province Bouanza ne sont pas unanimes sur l'exclusion des putschistes de 2015 au dialogue inter-burundais, comme l'a déclaré Benjamin William Mukapa ce vendredi. Au moment où la ZAN dit que ce groupe de personnes ne peut pas être invité au dialogue puisqu'ils sont poursuivis par la justice, les autres indiquent plutôt qu'ils soient invités afin d'écouter leurs revendications. Suivez-les, ils étaient au micro de Space Caritas Kavanyana. Ceux qui sont accusés de participer au coup d'État sont ceux qui doivent impérativement participer au dialogue ou aux négociations parce que ce sont eux qui ont quelque chose à dire ou qui ont quelque chose à reprocher sur ce gouvernement. Alors, il ne faut pas écarter l'opposant de taille et dialoguer avec quelqu'un qui est de la mouvance gouvernementale. À mon avis, les putschistes ont essayé de faire la putsch alors que le régime de 2010 à 2015 était en cours de travail. Ils ne peuvent pas être invités pour moi car il y a des fautes qu'on les accuse pour qu'ils ont fait le putsch. Alors il faut que la justice les poursuive. Moi je vois que dans le dialogue de la recherche de la paix, il faut dialoguer avec tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont à dire. Si tu élimines les uns, donc la paix qui viendra dans ce dialogue, ceux qui ont déjà exclu cette paix ne les concerne. Et ils restent dans l'insécurité, ils restent sans paix parce qu'ils sont déjà éloignés. Même si c'est un qui est exclu, qui est sans paix, il n'y a pas de paix. Tout le monde a de la parole. Tout le monde peut dire quelque chose de constructif. Nous rejetons catégoriquement que ces personnes qui ont participé activement au putsch manqué au mois de mai 2015 ne s'inscrivent pas dans la liste des personnes qui doivent faire négociation avec le gouvernement en place. Revenons à Bujumbura pour parler des maisons et champs qui ont été inondés par des eaux provenant de la rivière Moura suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité ce samedi matin. Et ces maisons et champs sont situés aux alentours de la rivière Moura en zone Kawondo de la mairie de Bujumbura. Les habitants de cette localité indiquent que cette inondation a été provoquée par la rivière Moura qui a dévié de sa trajectoire. Les détails avec Christelle Nizigama. Ces hommes qu'on entend sont en train de balayer l'eau et le sable qui ont inondé les maisons suite au débordement de la rivière Moura au quartier Kawondo Ouest et rue Bissoro. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues ce samedi, la rivière Moura a débordé de son lit et a inondé les champs de maïs et les maisons aux alentours. Les habitants de cette localité indiquent que les activités ont cessé suite à cette inondation dans les ménages. Nous perdons beaucoup parce que nous pouvons pas continuer de vaquer à nos activités. Mais entre-temps, l'État continue de percevoir des taxes. Nous demandons aux autorités habilitées de réhabiliter le lit de cette rivière pour que nous ne débordons pas vers nos maisons. Les activités ont cessé pour nous qui travaillons dans un cabaret. Certains étaient serveurs, d'autres travaillaient à la cuisine. Nous voulons qu'on nous vienne en aide à réhabiliter cette rivière. Cet habitant de Kawondo fait savoir que cette rivière a débordé de son lit suite aux travaux non achevés sur le pont qui relie son quartier au quartier Kinindo. C'est la rivière Moura qui a débordé de son lit à cause des bises qu'on a mis dans un pot reliant le quartier Kinindo. Ils ont détruit ce pont, mais n'ont pas achevé les travaux. Maintenant, la rivière est pleine de sable et l'eau passe dessus. Maintenant, nous demandons à la CETEMI de finir les travaux et orienter cette rivière. Ces habitants demandent à la CETEMI de finir les travaux sur ce pont et d'orienter le lit de cette rivière. Merci à Christella. Le Conseil national de sécurité déplore la prolifération qualifiée d'anarchique des maisons de vente des médicaments ne remplissant pas les standards exigés. Cela contient dans un communiqué lu ce jeudi par le secrétaire permanent du dit conseil. Silas Niguligwa a en outre rejeté le retard affiché par certains fonctionnaires de l'État. Suivez Silas Niguligwa. Le Conseil national de sécurité constate avec regret l'absentéisme et le retard affichés par certains fonctionnaires de l'État à leur poste de travail, ce qui occasionne un faible rendement. Le Conseil recommande aux ministres et aux responsables concernés de procéder d'urgence au contrôle rigoureux de la ponctualité et des prestations des fonctionnaires dans leurs services respectifs. Les contrevenants doivent être exemplairement punis conformément à la loi. Le Conseil national de sécurité se montre préoccupé par la prolifération anarchique des maisons de vente de médicaments qui ne remplissent pas les normes et standards exigés. Le Conseil national de sécurité recommande au ministère de la Santé de procéder dans les meilleurs délais au contrôle rigoureux de ce secteur et de restructurer le secteur pharmaceutique. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, 750 réfugiés congolais ont déjà été accueillis à Tshishimbele de la province Cibitoke. Ces réfugiés sont essentiellement composés de femmes et d'enfants. Cela a été indiqué par Joseph Iteliteka, gouverneur de la province Cibitoke. Il fait savoir que les autorités font des contrôles pour voir s'il n'y aurait pas un fauteur de troubles qui se serait caché parmi ces réfugiés. Suivez Joseph Iteliteka. On a commencé à accueillir des réfugiés congolais qui sont arrivés tout en passant par la commune de Buganda. Dans le cadre de privilégier toujours la sécurité qui doit encore primer, il y a des services qui se sont mis ensemble dans le cadre bien vérifié avec un objectif de ne pas peut-être donner une brèche à l'ennemi, parce qu'on ne sait jamais. L'administration, le corps de défense, avec aussi ONIPRA, c'est un service qui est chargé d'étudier les dossiers liés à la demande d'asile. Tous ces services se sont mis ensemble et ils continuent toujours à vérifier si un demandeur d'asile pourrait être accepté et ou pas. Avez-vous déjà entamé des contacts avec les administratifs de la République démocratique du Congo ? Sur base effectivement des instruments internationaux régissant les réfugiés, et si un réfugié parvient même à traverser aussi une frontière qui arrive aussi dans un pays, ce qu'on pourrait faire en premier lieu, c'est l'accueil. Et puis du reste, on pourrait faire ça, mais c'est encore tôt. Il y a moyen d'être en contact avec ces autorités. On n'a pas encore fait ça. D'après des informations en provenance de Cibitoki, le site ne serait plus à mesure de recevoir d'autres réfugiés car sa capacité d'accueil est de 710, mais actuellement ces réfugiés sont au nombre de 750. Quittons Cibitoki pour nous rendre à Bubanza. Une flambée des prix des denrées alimentaires est observable sur tous les marchés de la province de Bubanza. Les consommateurs s'inquiètent de cette flambée des prix et disent qu'ils n'espèrent pas s'en sortir au moment où les champs de maïs ont été attaqués par des chenilles. Reportage de Space Caritas Kamanyana. Sur tous les marchés de cette province de Bubanza, que ce soit au marché de Bubanza, à Musenyi, à Muzinda ou à Gihanga, on observe une grande hausse des prix des denrées alimentaires. Un kilo de haricots coûte un prix variant entre 1 500 et 3 000 francs. Ça dépend de la qualité et c'est le haricot qui est utilisé comme semence qui coûte cher. Au marché de Gihanga, un kilo de graines de maïs coûte 1 700 francs. Il s'achetait à 400 francs au mois de mai cette année, 800 francs au mois de juillet. Un kilo de riz coûte 1 800 francs. Il était à 1 400 francs en octobre dernier. La population ne sait plus où donner de la tête, étant donné même que tous les champs de maïs ont été attaqués par des chenilles. Tous les produits phytosanitaires utilisés sont sans effet. À la DPAE Bubanza, on précise que ces chenilles sont détruites par le produit appelé durisban. Les habitants de cette province de Bubanza reconnaissent cependant la bonne mesure prise par l'administration provinciale de remettre un kilo de viande à 5 000 francs. Il avait grimpé ce dernier jour jusqu'à 7 000 francs dans certaines localités. Merci Aspès. Quittons Bubanza pour nous rendre à Lumonge. Le conseiller social culturel du gouverneur de Lumonge conseille aux chômeurs de se regrouper en association pour l'autodéveloppement. C'est au moment où certains chômeurs ont pris l'option de multiplier les diplômes dans l'espoir d'augmenter les chances d'être embauchés. Reportage de Jean-Pierre Misago. Une mère sans emploi avec 4 enfants témoigne. Elle a fait dans un premier temps le lycée pédagogique où elle a obtenu le diplôme D6 mais n'a pas trouvé de l'emploi. Elle a embrassé ensuite l'école paramédicale avec l'espoir cette fois-là de trouver du travail dans l'immédiat, mais là aussi elle a déchanté. Cette femme demande à l'État et aux organisations et pays qui l'appuient de créer de l'emploi afin d'embaucher les chômeurs qui ont actuellement du mal à survivre. Diomède Nyonsaba, conseiller socio-culturel du gouverneur de Lumonge, appelle plutôt aux chômeurs de conjuguer leurs efforts pour s'autodévelopper et il y a ceux qui ont déjà réussi. Sans être précis, Diomède Nyonsaba estime à plus d'un millier le nombre de chômeurs dans la province de Lumonge. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Amisago. Une brève en international sans transition. En attendant suicide, ont emporté cette personne dans la matinée de ce dimanche, selon l'annonce du responsable des services d'ambulance de la capitale somalienne. C'est un camion piégé près de l'entrée du port de Mogadiscio. Le kamikaze a visé un secteur rempli de civils, de porteurs et de petits commerçants. Le porte-parole de l'administration de la capitale a fourni un bilan et a indiqué qu'une enquête avait été ouverte. Le groupe djihadiste somalien des Shebab, affilié à Al-Qaïda, a rapidement revendiqué l'attaque sur son compte Telegram. La cible, selon le communiqué des Shebab, était une base militaire située à l'entrée du port. Le groupe affirme avoir fait près de 30 morts. Les Shebab, chassés de Mogadiscio en 2011, continuent de mener de multiples opérations dans la capitale et dans le reste du pays. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour sa collaboration technique. Au revoir à tous.